De l'huile dans les rouages sur Fadjet. De l'huile dans les rouages, c'est votre chronique sur Fadjet présentée par Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ben ça va, content de te retrouver pour une nouvelle chronique aujourd'hui. Eh bien on continue notre voyage dans les émotions, plutôt dans la manière de les aborder, de les vivre au quotidien. Et donc aujourd'hui on va faire la différence entre choisir et devoir. On va travailler aujourd'hui sur le je dois et le je choisis qui sont des outils de communication non violente. Alors comment on va pouvoir appliquer ça? Eh bien par exemple, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui Yves? Alors je dois faire du sport, je dois aussi faire mes courses alimentaires classiques. Et quand on dit « je dois », on donne à son cerveau une information très négative. On est dans quelque chose d'assez rigide, d'assez contracté. Et en fait, du coup, ça peut nous faire revoir notre journée avec des lunettes plutôt sombres. Tu vois l'idée? Ouais. Et là, ce que je propose quand je fais des accompagnements notamment, c'est de transformer des « je dois » en « je choisis ». Parce que en fait, si on choisit d'aller au bout de notre chronique aujourd'hui, par exemple, même si on est fatigué et qu'on sent une contrainte, on se dit, ben, parce que quand on va la faire, on va répondre aussi à des besoins derrière. Je choisis d'aller au bout de l'enregistrement de ce travail, de cette chronique, parce qu'après je vais être satisfait, ça va me remplir mon besoin d'efficacité, mon besoin de sens, mon besoin d'organisation, etc. Et quand on transforme ça en « je choisis de faire cette chronique aujourd'hui » ou « je choisis d'aller faire les courses » parce qu'une fois qu'elles seront faites, aussi on va pouvoir bien manger ce soir, ce week-end on va recevoir des amis, ou « je choisis d'aller faire du sport » parce que même si au début, là, ça traîne un peu chez moi, j'ai pas envie, mais si je me dis « ah oui, mais je choisis d'aller au sport aujourd'hui parce que j'ai envie de prendre soin de ma santé, j'ai envie de prendre soin aussi de voir des amis éventuellement, donc de prendre soin de mon besoin de partage », eh bien ça ouvre de nouvelles perspectives. Et souvent, quand je fais ça en accompagnement, les gens me disent la différence que ça fait dans le corps entre « je dois aller faire les courses » et « je choisis d'aller faire les courses ». Il y a quelque chose qui se détend, qui se décontracte, qui s'ouvre. On transforme une contrainte en choix. Exactement. On devient acteur aussi, oui, en faisant ça, de notre bien-être et de notre vie. Et c'est aussi un super outil quand on est dans des situations de dilemme. Est-ce que je vais plutôt, là j'ai mal au dos, est-ce que je vais plutôt tout de suite aller chez le médecin? Ou est-ce que je vais plutôt me reposer? Est-ce que je vais prendre rendez-vous chez un ostéo ou un kiné? Quand on ne sait pas par quelle ordre prendre les choses, eh bien, c'est bien de se dire, tiens, si je vais là, quels besoins je vais remplir? Est-ce que ces besoins-là sont importants pour moi? Et du coup, si je me figure, tiens, je choisis d'appeler le docteur, comment je me sens? Je choisis de me reposer. Qu'est-ce que ça me fait dans le corps? Je choisis d'aller chez l'ostéo. On peut les formuler comme ça à voix haute et voir ce que ça nous fait. Et les je choisis vont nous indiquer vers où on aspire le plus à aller en fait. Ça nous permet de nous écouter profondément. Et les effets, on les ressent assez vite? Alors ça dépend de quelle connexion on a à son corps. Le fait de le répéter à voix haute quand je fais des accompagnements et le fait de verbaliser ce qu'on sent dans le corps, ça permet de s'y connecter au fur et à mesure. Eh bien, il faut essayer donc. Oui, je vous invite à essayer un matin de faire la même phrase en « je dois » et « je choisis » et de voir ce que ça fait chez vous. Eh bien, je choisis d'aller courir. Parfait. Parfait. C'est bonne parti, course. J'y vais tout de suite. Merci Noémie, à merci la semaine prochaine. Yves. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.